Le maestro de la transe est enfin de retour. Il a de nouveaux amis. On les appelle les amis insoupçonnés. Ce sont les Illuminati. Triangle, triangle, triangle, triangle, triangle.